إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on continue nos cours après cette longue interruption depuis le dernier cours. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 24 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le charh du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est toujours dans la quatrième partie de Al-Usul al-Thalatha où le Cheikh explique les trois fondements. Le premier, c'est celui qu'on est en train d'expliquer, Al-Usul al-Awwal, Ma'rifatul Rabb. C'est-à-dire le premier fondement, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur Ar-Rabb. Et ensuite, il y a bien entendu l'énumération des différentes formes d'adoration que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a mentionné. Et donc, nous, on va continuer dans la lecture et l'explication des différentes formes d'adoration mentionnées avec les preuves et les clarifications du Cheikh Salih al-Fawzan au sujet de chacune de ces différentes formes d'adoration. Et c'est très important de connaître les différentes formes d'adoration puisque on a été créé pour adorer Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc si on a été créé pour ça, et donc il faut savoir qu'est-ce que c'est. Et il faut savoir en quoi ça consiste. Il faut savoir les différentes sortes d'adoration. Et donc c'est pour cette raison-là que le Cheikh les a énumérés. Et en même temps, pour savoir aussi que c'est pas juste d'adorer Allah, mais d'adorer Allah lui seul. C'est-à-dire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois le rejeter, tu dois le renier, tu dois te désavouer de cette chose qui est adorée en dehors d'Allah et de tous ceux qui font le shirk, tous ceux qui adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a expliqué déjà parmi les différentes formes d'adoration. La première qui est mentionnée, c'est Ad-Dua, et ensuite Al-Khawf. Donc on a parlé de Al-Khawf et des différentes catégories de crainte et également des preuves de cette adoration-là. Et en deuxième, ou en troisième maintenant, qu'est-ce qui est mentionné? C'est Ar-Raja. Donc Ar-Raja wa Daliluhu. Ar-Raja'u wa Daliluhu. Donc le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans Al-Usul al-Thalatha, wa dalil al-Raja, qawluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. C'est-à-dire la preuve que Ar-Raja est une forme d'adoration et qu'il faut la faire, cette adoration-là, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le verset 110. Une des preuves à ce sujet-là, c'est le verset 110 dans Sourate Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ Donc celui qui espère en la rencontre de son Rab, de son Seigneur, alors qu'il fasse une œuvre qui est saliha, une œuvre qui est bon, hein, une œuvre qui est hein, une bonne œuvre, une bonne action, et qu'il n'associe rien dans son adoration pour son Seigneur, qu'il n'associe rien ou qu'il n'associe quoi que ce soit, hein, il ne doit rien associer dans l'adoration de son Seigneur, dans l'adoration qu'il fait pour son Seigneur. Donc ça c'est le dernier verset dans Suratul Kahf et c'est un verset très important. Donc ici le Cheikh il explique, le Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset là en disant قوله تعالى فمن كان يرجو يعني يطمع في ثواب الله عز وجل ورؤيته عيانا يوم القيامة من كان يطمع في أن يرى الله عيانا يوم القيامة فليعمل عملا صالحا يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوب وهو الثواب بدخول الجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجه الله لأن هذا متلازم لأن من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا يدل على أن الرجاء وحده لا يكفي لا بد من العمل. Donc le cheikh il explique, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, et quiconque espère, c'est-à-dire il souhaite, il désire, il souhaite, il aspire hein, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il souhaite voir son Seigneur au jour de la résurrection avec ses deux yeux, hein, donc quiconque espère voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire des bonnes œuvres. Et le cheikh, il dit que, il dit, وَيَأْتِي بِالسَّبَبِ. Donc, il doit ramener la cause qui va faire en sorte que cette personne-là va hein, mériter d'obtenir cette chose. C'est-à-dire qu'il doit faire les causes qui vont faire en sorte qu'il va mériter d'entrer au paradis. Donc tu veux obtenir cette récompense, hein? Tu espères en la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu dois faire? C'est à l'espoir de le rencontrer, parce qu'on veut tous rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, mais on veut le rencontrer comment? C'est ça le problème. On veut le rencontrer alors qu'il sera satisfait de nous. Donc qu'est-ce que tu dois faire si tu veux obtenir cette chose, hein? Être capable de rencontrer ton Seigneur au jour de la résurrection et de le voir avec tes yeux hein, au jour de la résurrection et dans le paradis et rentrer dans son paradis. Et bien le cheikh il dit tu dois faire les causes hein. Les causes c'est bien entendu de faire les bonnes œuvres hein. Tu veux obtenir le paradis, tu veux être sauvé de l'enfer, tu veux regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala hein, parce que ça c'est des choses qui sont reliées ensemble. C'est-à-dire, toutes ces choses-là sont reliées, de recevoir la récompense du paradis, de pouvoir rentrer dedans, d'être sauvé de l'enfer et de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses-là sont des choses qui s'impliquent les unes les autres. Hein? Et il dit ensuite que quiconque rentre au paradis, c'est certain qu'il voit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui veut ça, et qui espère en la récompense, en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse des bonnes œuvres. Et ça, c'est la preuve que c'est pas suffisant d'avoir l'espoir seulement. Il faut, en plus de l'espoir, il faut absolument faire les bonnes œuvres. Tu vois? Donc, si tu vois quelqu'un, par exemple, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, désobéit à son Créateur, et commet des péchés, et qu'il dit « j'espère en la miséricorde d'Allah », ça veut dire qu'il ment. Parce que s'il espérait vraiment en la miséricorde d'Allah, il fait les bonnes œuvres. Hein? Il ne va pas faire le contraire. Le cheikh il dit ensuite « أما أنك ترجو الله ولكنك لا تعمل فهذا تعطيل للسبب فالرجاء المحمود » هو الذي يكون معه عمل صالح أما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي ليس معه عمل صالح. Donc le cheikh il dit que si tu espères en Allah mais que tu ne fais pas les bonnes œuvres, ça c'est comme si tu as complètement annulé les causes. Tu as complètement annulé ou laissé de côté les causes nécessaires pour être capable d'arriver à ce qui va t'amener à espérer en la rencontre qui est louable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, c'est, si on veut, on peut diviser l'espoir en deux. Il y a l'espoir qui est louable et l'espoir qui n'est pas louable. L'espoir qui est louable, c'est celle qui est reliée aux bonnes œuvres. Donc, tu as l'espérance, hein, tu as l'espérance de rencontrer Allah et de rentrer au paradis. Donc ça, c'est quelque chose qui est louable si c'est accompagné de bonnes œuvres. Mais si tu as seulement l'espérance comme ça, et que en même temps, tu commets les péchés et que tu ne fais pas les bonnes œuvres, eh bien ça, c'est pas de l'espérance louable, c'est de l'espérance blâmable. En réalité, comme Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il le mentionne dans un de ses livres, il explique que ça, c'est en fait une sorte de rourour. C'est une sorte de rourour, dans le sens que c'est une forme de tromperie. Hein? C'est une fausse espoir de la part de ces gens-là. Donc, ce n'est pas un espoir qui est valable. Ensuite, le cheikh, il dit, « At-tawakkul wa daliluhu » L'espoir est la preuve qui est reliée à le fait, pardon, « At-tawakkul » Ça, c'est la prochaine. Il y a encore un petit paragraphe à lire par rapport à Ar-Raja avant de passer à At-Tawakkul. Donc, on va terminer ça. Il dit ici, « فَالْعَمَلْ لَا يَكُونُ صَالِحًا إِلَّا إِذَا تَوَفَّرَ فِيهِ هَذَانِ الشَّرْطَانِ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ شِرْكٍ وَأَنْ يَكُونَ صَوَابًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ليس فيه بدعة فإذا توفر فيه الشرطان فهو صالح وإذا اختل فيه شرط فإنه يكون عملا فاسدا لا ينفع صاحبه. Donc le cheikh il dit que l'action elle n'est pas bonne excepté si elle respecte deux conditions, les deux conditions qui sont mentionnées dans le verset 110 de sourate Al-Kahf. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc le cheikh il dit premièrement cette action là elle doit être exempte de toute forme de shirk, donc elle doit être pure uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première. Et la deuxième condition c'est qu'elle soit faite, qu'elle soit bonne, c'est-à-dire qu'elle soit en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bid'a dans cette action-là. Hein? Donc, al-awwal al-ikhlasu lillah. La première condition, c'est qu'elle soit pure. C'est-à-dire qu'elle soit faite uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est qu'elle soit en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est très important. Donc ça, ce sont les deux conditions. Le cheikh il dit, فَإِذَا تَوَفَّرَ الشَّرْطَانِ فَهُوَ صَالِحٌ. Donc si les deux conditions sont présentes, alors cette action-là, c'est une bonne action. Mais si une de ces deux conditions-là est absente, alors ce n'est pas une bonne action. C'est une action qui est corrompue. Hein? Et elle ne sera pas bénéfique pour la personne qui l'a fait, qui l'a faite. Hein? Donc, si l'action elle a du shirk dedans, elle sera pas acceptée, même si elle est en accord avec la sunna. Et si elle est faite en accord avec, si elle est faite par exemple sans shirk, elle est faite pour Allah seul, mais qu'elle est faite d'une façon contraire à la sunna, c'est-à-dire elle est faite et que c'est une bid'a, dans ce cas-là, elle sera pas acceptée non plus. Il faut que les deux conditions soient présentes, qu'elles soient pures et qu'elles soient faites avec ikhlas, sincérité, uniquement pour Allah et non pas pour autre que lui, et deuxièmement, qu'elles soient faites en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, sinon cette action-là, elle n'est pas valable. C'est une bid'a, c'est une innovation. Le shaykh, il dit, « فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه وكذلك العمل الذي فيه بدعة يرد على صاحبه قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذه الآية فيها الرجاء لأنه عبادة لله عز وجل وفيها أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل الصالح. Donc le cheikh il explique que l'action dans laquelle il y a du shirk, elle sera rejetée sur la personne qui l'a faite. Hein? C'est comme si toi tu fais une action pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, si elle est pure pour Allah, Allah va l'accepter à condition qu'elle soit pure pour lui et qu'elle soit faite selon la sunnah. Maintenant quelqu'un il arrive avec une action qu'il a faite pour autre que Allah. Hein? Eh bien, cette action-là, Allah va pas l'accepter. Il la rejette sur la personne qui l'a faite. Hein? Il la rejette sur lui. Hein? Il n'en veut pas de cette action-là. Il n'en veut pas parce qu'elle n'était pas faite pour lui. De la même chose, si quelqu'un fait une action, mais que cette action-là, il y a dedans une bid'a, une innovation. Eh bien, il la rejette sur la personne. Allah, il la rejette sur lui. Il n'en veut pas de cette action-là parce qu'elle n'était pas faite selon l'exemple de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre affaire, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de notre religion, alors cette action-là sera rejetée. Hein? » Raddun, c'est-à-dire elle est rejetée sur la personne qui l'a faite. Donc ça, c'est les deux conditions pour que l'action soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre nous, quand il fait une action pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est reliée à l'islam, qui est reliée à l'adoration, qui est reliée à ce qui ramène quelqu'un plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel il a l'espoir et qu'il espère rentrer au paradis avec cette action-là, eh bien il doit vérifier que ces deux conditions-là sont respectées pour justement qu'ils puissent jouir de la récompense qui sont reliées avec cette action-là. Si ces deux conditions-là ne sont pas présentes, eh bien, cette action-là ne sera pas valable. Et quand on regarde comme il faut ces deux conditions, on voit qu'en réalité, ce sont les deux conditions qui sont reliées au shahadatain. Al-ikhlas lillah, c'est ashhadu an la ilaha illallah. Hein, de purifier notre action pour qu'elle soit uniquement pour Allah, c'est comme si tu dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça c'est al-ikhlas. Et la deuxième partie du shahada, c'est ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc ça c'est la deuxième condition, que ton action doit être en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu as compris ça, c'est comme si en fait les deux conditions pour que tes actions soient valables, c'est qu'elles soient en accord avec qu'est-ce qui est mentionné dans Shahadatain. Et que si elle ne respecte pas ces deux aspects-là, elle n'est pas valable. C'est pour ça que Shahadatain, c'est la clé du paradis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Si tu ne respectes pas ces deux conditions-là, même si tu as toute l'espérance du monde, ça ne vaut rien, ça ne servira à rien. L'espoir sans les... Sans respecter les deux conditions mentionnées, ça ne sert à rien. Donc ça y est pour cette adoration-là qu'on appelle Ar-Raja. Cheikh, il a donné quelques explications à ce sujet-là. Maintenant, on va passer à un autre exemple d'adoration, c'est At-Tawakkul wa Daliluhu. Et At-Tawakkul, c'est le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de mettre notre confiance et de se reposer sur Allah subhanahu wa ta'ala dans nos affaires. Et la preuve de ça, c'est dans le verset que le cheikh il mentionne, c'est ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. C'est-à-dire, et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance. Si réellement vous êtes des croyants. Le cheikh il explique, il dit التوكل هو التفويض والاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى وهذا هو التوكل وهو من أعظم أنواع العبادة ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الحصر وعلى الله فتوكلوا أي عليه لا على غيره ثم قال إن كنتم مؤمنين فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن فالتوكل عبادة عظيمة فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله لشيخ الزيك التوكل dans la langue arabe ça signifie التفويض التفويض ça veut dire tu remets quelque chose à quelqu'un tu t'en remets à quelqu'un dans tes affaires c'est ça التفويض hein? Donc التفويض التوكل c'est التفويض en arabe c'est-à-dire tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala et tu te reposes sur Allah subhanahu wa ta'ala et tu mets ta confiance en lui ça c'est le sens linguistique et ça fait partie des actes d'adoration puisque dans l'islam tu dois mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala puisque c'est lui qui est le garant de toutes choses et celui le maître de toutes choses donc tu t'en remets à lui dans toutes tes affaires subhanahu wa ta'ala c'est ça at-tawakkul et ça fait partie des plus grandes formes d'adoration et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant et on voit que la phrase elle est inversée pour faire comprendre qu'il doit y avoir une certaine exclusivité dans ça dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala il dit pas wa tawakkalu fa tawakkalu ala Allah il dit wa ala Allah fa tawakkalu hein, il dit reposez en Allah votre confiance hein? Ou mettez en Allah votre confiance c'est pour dire que mettez en Allah seul votre confiance parce que si tu dis mettez votre confiance en Allah ça peut vouloir dire mettez votre confiance en Allah et en quelqu'un d'autre tandis que quand tu dis mettez en Allah votre confiance ça exclut toute autre chose hein? Et ça c'est une des formes exactement la tournure de phrase la façon dont la phrase dont elle est faite comme le cheikh il dit on a mis le jar et le majrour avant hein, l'amil donc ça donne le sens de l'exclusivité hein, et de la limite pour dire que c'est en Allah seul qu'il faut mettre notre confiance comme le cheikh il explique il dit et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance c'est-à-dire sur lui et non pas sur quelqu'un d'autre que lui puis ensuite il dit in kuntum mu'minin c'est-à-dire si vous êtes croyant donc il a fait du fait de mettre notre confiance en Allah une condition dans la foi. C'est-à-dire que de mettre notre confiance en Allah, c'est une condition dans notre foi. Si quelqu'un ne met pas sa confiance en Allah, il n'est pas croyant. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, comme c'est mentionné, in kuntum mu'minin. Si vous êtes croyant, mettez votre confiance en Allah. Hein, ou bien c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Donc, si vous ne le faites pas, donc vous n'êtes pas croyant. C'est ça ce que ça signifie. Donc, c'est une condition de la foi. Et le cheikh, il dit, et ça, c'est la preuve que celui qui ne met pas sa confiance en Allah, il n'est pas croyant. Donc, at-tawakkul, c'est parmi les grandes formes d'adoration, une des plus grandes. Parmi les grandes formes d'adoration. Et c'est une adoration du cœur. C'est une adoration du cœur comme la crainte. Hein? Comme la crainte qu'on a mentionnée plus tôt. Et comme l'espoir aussi, l'espérance. Ça aussi, c'est une adoration du cœur. Donc, c'est en Allah qu'on doit mettre notre confiance. La confiance est une adoration du cœur, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Et le croyant, il doit toujours mettre sa confiance en Allah et se reposer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu min asma'ihi al-wakil, ay al-mawkul ilayhi umur ibadihi subhanahu wa ta'ala. Fattawakkul la yakunu illa ala Allah, wa la yajuzu an yaqul tawakkaltu ala fulan, li'anna at-tawakkul 'ibadah wa al-'ibadatu la takunu illa lillah. Donc le cheikh il dit que parmi les noms d'Allah, il y a Al-Wakil. Hein? Un des noms d'Allah, c'est qu'il est Al-Wakil, qui signifie le garant. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur des garants. Hein? Celui en qui on doit remettre nos affaires. Puisque c'est à lui qu'on remet toutes nos affaires. C'est lui qui gère toutes les affaires de ses serviteurs. Et donc, on ne peut mettre notre confiance excepté qu'en lui. Et il n'est pas permis à quelqu'un de dire « Je mets ma confiance en un tel ou un tel. » Car « At-tawakkul » c'est une forme d'adoration et cette adoration-là ne peut être que pour Allah. Et si quelqu'un offre cette adoration-là à autre que Allah, il a commis un acte de shirk. Puisque le shirk, comme on l'a expliqué déjà, c'est d'offrir ou de donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration, peu importe la sorte. Hein? Donc si on offre à quelque chose ou à quelqu'un une forme d'adoration autre que Allah ou en dehors d'Allah, alors ça consiste en une forme de shirk. Hein? Et le cheikh il dit amma إذا أسندت إلى أحد من الخلق تصرفا فهذا لا يسمى توكلا وإنما يسمى توكيلا والوكالة معروفة إنك توكل أحدا ليقضي لك حاجة وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من ينوبون عنه في بعض الأعمال فالتوكيل غير التوكل فالتوكل عبادة ولا تكون إلا لله ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان وإنما تقول وكلت فلانا ومع هذا أنت توكله لا تتوكل عليه وإنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى فلاحظوا الفرق بين الأمرين التوكل والتوكيل. Donc le cheikh il dit, si tu remets une de tes affaires à une d'entre les créatures pour qu'elle s'en occupe en ton absence ou bien à ta place, ça s'appelle pas tawakkul, ça s'appelle tawkil. At-tawkil, ça, at-tawkil c'est quoi? Regarde, at-tawkil, c'est comme si tu mets quelqu'un comme gérant à ta place, en ton absence. Toi, t'achètes un commerce, le commerce est à toi. Mais, t'as pas le temps de t'en occuper, ou bien tu dois partir, ou bien t'as d'autres commerces à t'occuper. Donc, tu mets quelqu'un comme gérant, c'est lui qui prend ta place, c'est lui qui est responsable de ce commerce. Hein? Donc, ça c'est, il est un wakil pour toi. Donc le wakil c'est ça, c'est pas tawakkul. At-tawakkul c'est de dépendre, de mettre notre confiance sur quelqu'un, de se reposer sur quelqu'un pour le succès ou pour la réussite dans un sujet ou dans une question quelconque. Tandis que at-tawkil c'est pas ça. C'est tu mets quelqu'un qui gère quelque chose à ta place ou qui s'occupe de quelque chose à ta place. Hein? Comme par exemple, at-tawkil, tu peux faire le tawkil dans le mariage. Si tu as une fille, tu peux pas, par exemple, aller toi-même pour être son wali. Tu envoies quelqu'un qui va être son wali, qui va prendre ta place, qui va te représenter comme son wali. Ou bien, toi tu veux marier une femme, tu peux pas te déplacer. Tu peux pas aller, par exemple, à tel ou tel endroit pour aller la marier. Donc, tu envoies quelqu'un qui va être ton wakil et qui va faire l'acte à ta place, en ton nom. D'accord? Ça, c'est un exemple aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont mentionnées dans les exemples des livres de fiqh et qu'on appelle al-wakala. Okay? Et al-wakala, c'est quelque chose qui est permis, mais al-wakala et al-tawakkul, hein, al-tawkil et al-tawakkul, c'est deux choses différentes. Al-tawakkul, c'est une adoration et elle ne doit être que pour Allah et il n'est pas permis de dire je mets ma confiance en un tel ou un tel. Toutefois, qu'est-ce que tu dis à la place, c'est wakkaltu, je mets quelqu'un comme gérant à ma place ou comme garant à ma place dans telle ou telle affaire, ça c'est permis. Hein? Donc, tu peux faire al-wakala, mais tu peux pas mettre ta confiance en une autre créature. Ça c'est la différence entre les deux. Et même quand tu prends quelqu'un comme garant ou quelqu'un comme gérant à ta place qui va s'occuper de tes affaires, tu mets pas ta confiance en lui. Tu mets ta confiance en Allah seul. Hein? Donc c'est important de bien comprendre la différence entre les deux choses, at-tawakkul et at-tawkil. Ensuite, le cheikh il dit wa min sifatil mu'minin ما ذكره الله تعالى بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات المؤمنين. فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يقدر أن يحقق لك مطلوبك. أما المخلوق فإنه قد لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك، فإنك توكله في قضاء شيء من الأمور، لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء. Donc le cheikh dit que parmi les caractéristiques des croyants, les mu'minines, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 2, dans surat Al-Anfal, qu'il dit, c'est uniquement, ou ce sont uniquement les croyants, ou les croyants sont, plutôt c'est, les croyants sont uniquement ceux que lorsqu'on leur mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite, ces versets, cela fait augmenter leur foi et ils placent en leur Seigneur leur confiance. Ils placent en leur Seigneur leur confiance. C'est en leur Seigneur qu'ils placent leur confiance et en lui seul. Ça, c'est les caractéristiques des mu'minines. Lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Lorsqu'on leur récite ou qu'on leur mentionne, on leur récite les versets d'Allah, leur foi augmente et ils mettent en leur Seigneur la confiance. Ça, c'est les caractéristiques des mu'minines. Donc, le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir at-tawakkul, ça, c'est une des grandes formes parmi les formes d'adoration qui ne peut être que pour Allah seul. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose. C'est lui le Tout-Puissant. Al-Qadiru ala kulli shay. C'est lui le maître de toutes choses. C'est lui le possesseur de toutes choses. Celui qui possède toutes choses. Et c'est lui qui a la capacité de réaliser pour toi ce que tu veux. Hein, et qui a la capacité de te donner ce que tu demandes. Tandis que les créatures, elles ne sont pas capables de réaliser pour toi ce que tu veux et ce que tu demandes. فَإِنَّكَ تُوَكِّلُهُ فِي قَضَاءِ شَيْءٍ مِنَ الْأُمُورِ. Donc, même si tu mets quelqu'un comme étant un garant pour toi, un gérant à ta place, ou quelqu'un qui va gérer tes affaires en ton absence, eh bien, ils ne peuvent pas, hein, c'est pas eux qui vont te donner ou décider, yani, du succès ou de la réussite de ton sujet ou de ton projet ou de ton désir, mais c'est uniquement en mettant ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire en sorte que cette chose-là pourra se produire ou non. Donc c'est très important de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire non plus que on prend pas les causes nécessaires pour obtenir ce qu'on veut. Le cheikh il explique, il dit ثم أيضا لنعلم أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب فيجمع المسلم بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب ولا تنافى بينهما فأنت تعمل الأسباب التي أمرت بها بعملها ولكن لا تعتمد على الأسباب وإنما تعتمد على الله أنت تزرع الزرع في الأرض هذا السبب أو هذا سبب ولكن لا تعتمد على رزق على زرعك وفعلك بل اعتمد على الله في نمو هذا الزرع وتثميره وحمايته وإصلاحه ولهذا يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فالزارع الحقيقي هو الله أما أنت فقد فعلت سببا فقط قد ينتج هذا الزرع وينبت وقد لا ينتج وإذا نبت قد يصلح وقد لا يصلح وقد يصاب بآفة فيذهب. Donc le cheikh il explique que tu dois toujours savoir que quand tu parles de mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne vient pas en contradiction avec le fait de prendre les causes nécessaires pour obtenir ce que tu veux. Tu dois prendre les causes. Tu dois pas dire je mets ma confiance en Allah puis tu restes assis puis tu attends que la chose arrive. Tu dois non seulement mettre ta confiance en Allah, mais prendre les causes nécessaires pour arriver à ce que tu veux. Donc, le musulman, il doit réunir entre le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre les causes nécessaires. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Donc, tu prends les causes qui t'ont été commandées de faire, de les prendre, tu les prends et tu ne te reposes pas uniquement sur la cause par contre. Donc tu prends les causes nécessaires, mais tu ne te bases pas seulement sur les causes. C'est ça les deux extrêmes en fait. Il y a des gens, parmi les gens, des gens d'égarement parfois, qui ont dit on ne va pas se reposer sur la cause. On va juste mettre notre confiance en Allah. Comme certains égarés parmi les soufis qui disent nous on mais juste notre confiance en Allah, puis tout ce qu'on veut, on va l'avoir. Et vous avez souvent des exemples comme ça, de Jamaat Tablir qui racontent des histoires dans lesquelles on raconte des choses pour inciter les gens à abandonner la prise des causes. Hein? Et ça, bien entendu, c'est contraire à la charia d'Allah. C'est contraire à l'exemple de ce que les messagers d'Allah ont appliqué dans leurs exemples et dans leur vie. Puisqu'ils ont toujours pris les causes nécessaires et ils ont fait des efforts pour prendre les causes pour arriver à leur but et à leurs objectifs. Toutefois, on ne repose pas notre confiance sur ces causes-là. C'est-à-dire que il y a l'autre extrême, c'est les matérialistes, les gens qui ne croient qu'en la matière et qui pensent que tout ce qui se passe, c'est uniquement par cause et effet, dans le sens que c'est juste des choses qui sont gérées par rapport à des choses dans la dunya. Hein? Tu fais ça, il va arriver ça. Tu fais pas ça, il va pas arriver ça. Puis ils oublient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est au-dessus de tout, et que c'est lui qui gère tout, et c'est lui qui décide de tout, et c'est lui qui a tout prédestiné, et ainsi de suite. Et c'est lui qui donne le succès, et c'est lui qui peut faire échouer ce que tu veux. Donc, tu fais les causes, mais tu ne mets pas ta confiance sur ces causes. Tu mets ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien entendu. Et le cheikh, il donne l'exemple de ça. Il dit, toi, des fois, tu peux vouloir faire pousser ou cultiver quelque chose, tu mets des graines dans la terre. Ça, c'est une cause. Mais tu vas pas mettre ta confiance sur qu'est-ce que tu as fait, toi, seulement, et sur le fait que tu as planté les graines. C'est pas ça qui va déterminer seulement s'il y aura ou s'il y aura pas une récolte ou non. Il y a d'autres facteurs, et ces facteurs-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les contrôle et qui les détermine. Donc, tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette semence, cette graine, elle puisse pousser et qu'elle soit protégée et qu'elle soit bonne à la fin. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Suratul Waqi'a, le verset 63 à 64, il dit, avez-vous vu ce que vous semez ou ce que vous récoltez? Est-ce que c'est vous qui les faisiez pousser ou bien c'est nous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous, vous les faites pousser ou bien c'est nous? Dans le sens que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui fait pousser ces plantes ou ces végétaux ou ces légumes ou ces choses-là que les gens font pousser dans la terre. Donc le vrai semeur, le vrai récolteur, le vrai c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait pousser ces plantes-là. C'est lui qui les fait croître et qui les fait grandir et qui les fait se développer et pousser et ainsi de suite. Hein? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as seulement fait la cause. Et cette cause, elle peut avoir un résultat. Et elle peut faire en sorte que cette plante sort, hein, ou bien elle peut aussi ne pas avoir de résultat et ne pas faire pousser une plante. Ça se peut, c'est Allah qui décide. Et il se peut que même si cette plante-là, elle pousse, ou ce légume-là, il commence à sortir et à pousser, ça se peut qu'il ne sera pas bon à la fin. Peut-être que cette récolte-là, elle sera pourrie. Hein? C'est Allah qui décide. Ou bien elle peut être frappée par une maladie ou par un problème. Ou bien même elle peut être frappée par des oiseaux, ou par des sauterelles, ou par des choses qui vont faire que cette récolte-là, elle vaut plus rien. Ou bien des fois, il y a de la grêle qui tombe, qui détruit toute la récolte. Donc, toujours mettre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est lui qui détermine par la suite si le résultat de ce que tu as fait aura un résultat positif. Ou bien est-ce que ce ne sera pas un résultat positif? Donc ça c'est pour At-Tawakkul. On a maintenant complété cette explication. Maintenant on parle d'un autre point qui est Ar-Rahbatu wal-Rahbatu wal-Khushu', et c'est trois formes d'adoration qui sont mentionnées ensemble dans les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et il mentionne la preuve de ces trois formes d'adoration-là. Premièrement, Ar-Rahba. Ar-Rahba, c'est de vouloir quelque chose et de faire un effort pour aller vers quelque chose, aspirer, hein, aimer quelque chose. Et Ar-Rahba, c'est une sorte de crainte. Et Al-Khushu', eh bien, c'est l'humilité. Hein, l'humilité. Et le Cheikh, il l'explique ici, dans le verset 90. Il mentionne le verset 90 dans Sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Donc le cheikh il mentionne ce verset là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ses prophètes dans Sourate Al-Anbiya. Sourate Al-Anbiya, c'est la sourate des prophètes qui parle de l'histoire des prophètes, ou bien une d'entre les sourates qui parle de ça. Et après avoir mentionné les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, eux, ils faisaient la course les uns les autres dans le bien, dans les bonnes choses. Et ils nous invoquaient par amour, hein, et par crainte. Ils nous invoquaient, les prophètes nous invoquaient avec crainte, avec amour et crainte, et ils étaient humbles envers nous. Ça, c'est la description que Allah fait de ses prophètes et de ses messagers. Et donc, maintenant, il décrit ou il définit chacun de ces termes qui sont mentionnés dans ce verset. Ar-Rahbatu hiya talabu shay' al-mahmoud. Donc, Ar-Rahba, c'est quelque chose que tu veux que tu aspires à obtenir est quelque chose qui est louable, quelque chose que tu veux et qui est louable. Donc, ar-raghba, tar-ghabu, hein, tu veux quelque chose, tu le désires parce que tu l'aimes, hein, parce que c'est bon, parce que c'est louable, c'est ça ar-raghba. Et ar-raghba, c'est, et le cheikh dit, wa hiya al-khawfu min ash-shay al-marghub. قال تعالى وإياي فارهبون وهي نوع من الخوف الرهبة والخوف بمعنى واحد. Donc le cheikh il dit que الرهبه c'est la crainte de quelque chose qui t'a causé à te fuir de cette chose, c'est-à-dire une crainte qui t'amène à fuir, c'est ça الرهبه. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 40 dans sourate Al-Baqarah, wa iyaya farhabun, c'est-à-dire craignez-moi et moi seul, c'est wa iyaya farhabun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit encore une fois, il met, hein, il inverse la phrase pour faire comprendre que cette crainte là elle doit être exclusivement pour lui et non pas pour une autre, pour un autre. Donc il dit wa iyaya, et moi seul, hein, vous devez craindre. Et moi seul, vous devez craindre. C'est ça que ça veut dire, le verset. Donc, ça c'est un autre exemple. Il dit que ar-rahba, c'est une parmi les formes de khawf, une parmi les sortes de craintes. Sauf que c'est, hein, une crainte accompagnée d'une fuite, comme c'est mentionné par Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son char, il mentionne cette explication-là. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit lui que Ar-Rahba et Al-Khawf, c'est la même chose. C'est la même signification, les deux, c'est la crainte. D'accord? Ensuite, Al-Khushu', il dit, نوع من التذلل لله والخضوع والذل بين يديه سبحانه وتعالى وهو من أعظم مقامات العبادة. Et Al-Khushu', il dit que c'est une forme d'humilité devant Allah, subhanahu wa ta'ala, une forme de soumission et du fait de s'abaisser devant Allah et de s'humilier devant lui. C'est ça Al-Khushu'. Et c'est une parmi les. Disons, on peut dire que c'est un stade parmi les stades les plus élevés de la foi et de l'adoration. Et il dit wa qawluhu ta'ala innahum ad-damir yarji'u lil anbiya li anna surat al-anbiya qad dhakara Allah qisas al-anbiya fiha thumma qala innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Le cheikh il dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit il ça revient à qui? C'est un pronom qui revient et qui désigne les prophètes. Pourquoi? Parce que dans surat al-anbiya, surat des prophètes, il y a la mention de l'histoire des différents prophètes, et après avoir mentionné leur histoire, il mentionne justement que ils faisaient la compétition les uns les autres, ils faisaient la course. Yustari'un. Donc ils se font la course dans les bonnes œuvres, et ils nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles envers nous. Donc, ou bien plutôt, ils étaient envers nous humbles, parce que c'est inversé encore une fois pour mentionner ou pour faire comprendre qu'il doit y avoir une exclusivité dans cette humilité, et pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala yusari'una fil khayrat ay yatasabaquna ilayha wa yubadiruna ilayha. Hadhihi sifatul anbiya alayhimus salatu was salam. La yatakasaluna wa la yata'ajazuna wa innama yusari'una ila fi'lil khayrat wa yatasabaquna ilayha. Sheikh Ilzi, que les prophètes, ils faisaient la course entre eux, yatasabaqun, يسارعون يتسابقون. أنا أحب المسارعة quand tu dis يتسابقون la course, on dit مسابقة. En arabe, مسابقة c'est une course pour savoir qui va être السابق. السابق c'est celui qui arrive en premier. Hein? Donc المسابقة c'est pour savoir qui va être le premier. Donc c'est ça en fait. Il faisait la course pour être, chacun veut être le premier dans le bien. Tout le monde veut être le premier dans les bonnes œuvres. C'est ça les prophètes. Et ويبادرون hein, يبادرون c'est-à-dire ils veulent être le plus vite possible arrivé au bien. Hein? يتبادرون c'est-à-dire ou يبادرون c'est-à-dire il veut pas retarder. Il veut pas attendre, il veut tout de suite arriver au bien. Ça c'est la caractéristique et la description des prophètes alayhim salatu wassalam. Ils ne font pas preuve de paresse et ils ne se découragent pas dans les bonnes œuvres. Au contraire, hein, ils ne font pas preuve de paresse ou de nonchalance. Au contraire, ils se précipitent et ils font la course, hein, et ils veulent tous essayer d'arriver un avant l'autre pour les bonnes actions. وقوله تعالى ويدعوننا رغبا أي طمعا لما عند الله عز وجل وطمعا في حصول المطلوب. قوله تعالى يدعوننا رغبا يعني كان الله سبحانه وتعالى il dit il nous invoquait par amour, c'est-à-dire il nous invoquait par désir de ce qui est auprès d'Allah. Ils invoquent Allah en aspirant à obtenir et en désirant ou en souhaitant obtenir ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et en souhaitant arriver à leur but et à leur objectif, c'est-à-dire le paradis et tout ce qui est promis par Allah subhanahu wa ta'ala pour les mu'minines. وقوله تعالى ورهبا أي خوفا منا فيدعون الله أن يرحمهم ويدعونه أن لا يعذبهم وأن لا يؤاخذهم وأن لا يعاقبهم فهم يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذابه كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite et il nous invoquait par crainte, il nous invoquait par amour et par crainte, c'est-à-dire par crainte de nous, c'est-à-dire par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala par crainte d'Allah et ils invoquaient en lui demandant sa miséricorde, c'est-à-dire ils demandaient à Allah de leur faire miséricorde et ils l'invoquaient pour demander à Allah que Allah ne les châtie pas, que Allah ne les prend pas pour compte, que Allah ne les punisse pas, et ils espèrent en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils craignent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 57, dans suratul Isra, ceux-là, ils invoquaient Allah, et ils recherchaient vers leur Seigneur un moyen, à savoir lequel sera le plus proche, hein, lequel sera le plus proche d'Allah, hein, et ils espèrent en sa miséricorde, ils craignent son châtiment. Donc les hommes pieux, hein, les hommes pieux, les prophètes, hein, les messagers d'Allah, ils invoquent Allah et ils recherchent le meilleur moyen, le plus proche moyen pour se rapprocher d'Allah, le meilleur d'entre les moyens, hein. Ils font la compétition entre eux dans le bien, comme on a lu tout à l'heure. Ils espèrent la miséricorde d'Allah et ils craignent son châtiment. فَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهِ خَوْفًا مِنْهُ وَيَدْعُونَهُ أَيْضًا طَمَعًا فِي مَا عِنْدَهُ وَيَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُقَدِّرَ لَهُمُ الْخَيْرِ وَيَدْفَعَ عَنْهُمُ الشَّرِ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ أي خاشعين متذللين متواضعين لله عز وجل فجمعوا بين الصفات الثلاث الرهبة والرهبة والخشوع. هذه صفات الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة لله عز وجل. وفيه رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده محبة له فقط. وهذا كلام باطل، لأن الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا وهم أكمل الخلق. فالشيخ الزي Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc qu'ils invoquent Allah, les prophètes invoquent Allah par crainte de lui. Et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en espérant et en souhaitant ce qui est auprès de lui. Et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, leur attribue le bien. Hein, et repousse le mal d'eux. Et en même temps, ils sont humbles envers Allah. Ils sont humbles envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient khashi'in envers Allah. C'est-à-dire, khashi'in, c'est-à-dire khadi'in. Hein? Ils étaient soumis. Ils étaient humbles. Ils étaient humbles et ils étaient. Ils s'abaissent devant Allah. Ils se font petits devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont réuni ces trois caractéristiques. Ar-rahba, war-rahba, والخشوع, l'amour, la crainte et l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est les caractéristiques des prophètes. Hein? Et ce sont trois d'entre les caractéristiques qui sont parmi les différentes formes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il mentionne un point important aussi. Il dit que dans ça, il y a aussi une réfutation des soufis, hein, de la secte des soufistes, qui disent ou qui prétendent que eux ils adorent pas Allah par espoir en sa par espoir ou bien pour l'être. Par exemple, ils disent on n'adore pas Allah parce qu'on désire sa récompense, et on n'adore pas Allah par crainte de son châtiment. Ils disent nous on adore Allah seulement par amour seulement. Comme par exemple, ils disent ça de faire quelque chose comme ça pour le paradis, ou de s'abstenir de faire quelque chose par crainte de l'enfer, il dit ça c'est une adoration comme l'adoration des commerçants. Eux ils disent nous on est au-dessus de ça. Nous on n'adore pas Allah pour ces choses-là. On adore Allah juste parce qu'on l'aime. On n'adore pas Allah parce qu'on a peur de lui ou de son châtiment. Puis on n'adore pas Allah parce qu'on espère sa récompense. Nous, on est au-dessus de ça. Ça, c'est des gens qui adorent. Comme s'ils essaient de dénigrer cette chose-là. Ils disent, nous, on adore juste Allah par amour. Et comme les chrétiens, comme les soufis, c'est ça leurs égarements. Et c'est pour ça qu'ils sont égarés maintenant. Hein? Comme on a expliqué que l'adoration du croyant doit toujours être entre trois adorations de base. L'amour, la crainte et l'espoir. Si quelqu'un se concentre juste sur une de ces trois-là, il tombe dans l'extrême. Et c'est ça qui arrive avec ces gens-là. Donc, comment ils peuvent dénigrer ou rabaisser le fait d'adorer Allah par amour et par crainte, par amour de sa récompense et par crainte de son châtiment, alors que Allah a glorifié ses messagers et a fait l'éloge de ses prophètes en mentionnant qu'ils adoraient Allah avec ces caractéristiques-là et avec ces adorations-là. Eux, ils arrivent et ils dénigrent les prophètes. Alors ça, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Et naam. Ensuite, le cheikh, il dit, il passe à une autre adoration et on va expliquer celle-là. Inch'Allah, puis après on va s'arrêter. C'est Al-Khashya. Al-Khashya, on est toujours dans la même catégorie, si on veut. Et Al-Khashya, c'est quoi? C'est la crainte, encore une fois. C'est la peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cheikh, il dit, au dalil Al-Khashya, قوله تعالى فلا تخشوهم Le verset 150 de Sourate Al-Baqarah, la preuve de Al-Khashya, Al-Khashya c'est la peur. Hein? Donc la crainte, la peur, la preuve c'est quoi? Verset 150 dans Sourate Al-Baqarah, فَلَتَخْشَوْهُمْ. C'est-à-dire, ne les craignez pas, mais craignez-moi. فَلَتَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Et craignez-moi. Donc, le cheikh il explique maintenant cette adoration-là qui est mentionnée dans la série de différentes formes d'adoration que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a énuméré. Il dit Al-Khashyatu naw'un min al-khawf wa hiya akhassu min al-khawf wa qila al-khashyatu khawfun yashubuhu ta'zim. Qala ta'ala fala takhshawhum amara Allahu subhanahu wa ta'ala bi khashyatihi wahdahu. Wa qala ta'ala fil ayati fala takhshawhum wakhshawni وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. فأمر بخشيته سبحانه وتعالى وقال في صفة المصلين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون هؤلاء خواص الخلق يخافون الله عز وجل. Donc le cheikh il explique, il dit que Al-Khashya c'est une parmi les différentes sortes de craintes. Al-Khashya c'est une différente sorte de crainte qui est plus particulière que la crainte. C'est-à-dire c'est une forme de crainte qui est plus particulière. Et certains savants disent que Al-Khashya c'est une sorte de crainte qui est relié à avec un grand respect, une exaltation ou un respect de quelque chose. Donc c'est une crainte accompagnée de respect, une crainte révérentielle comme on dit parfois. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit fala takhshawhum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne dans ce verset de ne craindre, de ne pas les craindre, mais de craindre lui seul. Hein? Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Et ne les craignez pas, et craignez-moi. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. Et pour que je puisse parachever ma grâce sur vous, et pour que vous puissiez être bien guidés. Donc, il nous ordonne de le craindre lui et de ne craindre que lui. Et il décrit aussi les musulmans, les croyants qui font la salat et qui établissent la salat, al-musalloun, en disant وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. C'est-à-dire ceux qui sont remplis de crainte de leur Seigneur. C'est-à-dire mushfiqun. Ça vient de la crainte. Hein? Ça veut dire Al-Khaifun. Wa ha'ula'i khawasul khalq. Yakhafun Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le verset. C'est tiré du le verset qui est le verset 27 dans Surat Al-Ma'arij. Donc, là, ceux qui craignent Allah, ce sont les élites parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les meilleures, les plus hautes, les plus particulières d'entre ces créatures. Et il mentionne aussi ces anges qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui craignent leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ عَنِ الْمَلَائِكَةِ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ خَوَاصُ الْخَلْقِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ يَكُونُونَ عَلَى غَايَةٍ عَظِيمَةٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ والخوف منه سبحانه وتعالى والرهبة منه والرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى واحد وإن كان بعضهم أخص من بعض إلا أنها يجمعها الخوف من الله عز وجل وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين وهي أنواع عظيمة من أنواع العبادة وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que les anges ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, comme le verset 50 dans sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. C'est-à-dire les anges sont c'est-à-dire les anges craignent Allah et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des anges. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures. Et ça, c'est une preuve qui est mentionnée aussi parmi les preuves que les ulama de Ahlus Sunnah wal Jama'a ont mentionnées pour réfuter les gens de Bid'a qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est au-dessus des anges ici. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Donc ça, il y a la preuve. Si tu dis à des gens de Bid'a parmi les Asha'ira, et les Ahbash, tu leur dis Allah subhanahu wa ta'ala il est fauq, et bien eux ils te disent non, astaghfirullah, comment tu peux dire fauq, et ça c'est une jiha, et le jiha ça implique que quelque chose est hadith, et ainsi de suite. Ils commencent à rentrer dans la philosophie pour nier quelque chose qui est mentionné tel quel dans le verset et qui a été affirmé par les salaf al-salih sans aucun doute, comme Allah il l'a affirmé au sujet de al-istiwa al-arsh, qu'il est au-dessus de son trône et qu'il est au-dessus des cieux et qu'il est au-dessus de sa création, comme ici qu'il est au-dessus des anges et que les anges craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Et ils font ce qu'il leur est ordonné de faire, ils font ce qu'il leur est commandé. Donc le cheikh il dit que les anges font partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les plus élevées et qui sont parmi les créatures les plus particulières parmi les créatures, de même que les messagers, les prophètes et les hommes pieux, parce qu'ils ont une crainte très grande pour Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont une grande peur d'Allah et une grande révérence pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que al-khawf, al-khashya, al-rahba, al-rahba, al-khawf wa al-khashya, c'est des différents mots qui ont la même signification, même si certains d'entre ces mots-là peuvent avoir une signification plus spécifique ou plus particulière que d'autres, mais en général, leur signification, elle tourne autour de la peur et de la crainte. Comme Al-Khashiyah par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne au sujet des savants. Il dit dans le verset dans surat Az-Zumar, إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est relié avec les ulama. C'est les ulama qui craignent Allah. Les ignorants ils craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Les ignorants ils craignent pas Allah et ils ne peuvent pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que craindre Allah ça ne veut pas juste dire avoir peur. Sinon, tu peux avoir peur d'un chien, tu peux avoir peur d'une araignée, tu peux avoir peur d'un voleur ou d'un tueur, ça c'est une crainte naturelle. Il n'y a pas de mérite là-dedans, il n'y a pas de blâme non plus, c'est des craintes naturelles. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas cette crainte-là. C'est une crainte qui est accompagnée de connaissance. Et ça implique que tu fais ce qu'il t'ordonne et que tu t'abstiens de ce qu'il t'interdit. Et faire ça, ça nécessite de la connaissance. Ça nécessite que tu connaisses ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il t'ordonne de faire et que tu connaisses également ce qu'il t'a interdit. Ça implique que tu connais les règles de la charia d'Allah, que tu sais où est-ce qu'elle est la limite entre qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram et que tu dépasses pas les limites. C'est pas de rendre comme certains par exemple qui vont penser que de craindre Allah ça veut dire que tu t'abstiens de tout, même ce qui est halal. Et ils pensent que en faisant ça, ils sont plus parmi ceux qui craignent Allah que les autres. Ça, ça a par rapport. Et donc, c'est pour cette raison-là que craindre Allah, c'est de le craindre avec ilm et de connaître la charia et de savoir où mettre les limites et où ça quand s'abstenir de qu'est-ce qui est halal, de qu'est-ce qui est haram, parce que c'est haram avec preuve, et de faire ce qui est halal et de permettre ce qui est halal avec preuve, et de faire ce qui est obligatoire et de l'appliquer, et de faire ce qui est recommandé et de l'appliquer avec preuve, sans dépasser la limite, et de ne pas tomber dans la bid'a en amenant des choses qui ne sont pas dans la religion non plus. Donc, de craindre Allah, c'est pas juste comme ça une parole qu'on dit, ou bien une émotion ou un sentiment, mais c'est quelque chose qui est particulier et spécifique, défini par la charia d'Allah, défini par le ilm et par la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est les savants qui craignent réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon il y a des ignorants qui peuvent penser qu'ils craignent Allah, mais ils craignent Allah avec ignorance, hein. Ou bien des gens qui pensent qu'ils adorent Allah, ils adorent Allah avec ignorance. Donc c'est la même chose. Il y a des gens qui pensent qu'ils aiment Allah, mais ils aiment Allah, mais avec jahl. Donc ils tombent dans l'égarement, ils tombent dans toutes sortes de shirk, ou dans des sortes de kufr, ou dans des sortes de péchés, ou dans des sortes de contradictions. Ils pensent que ça c'est de l'amour pour Allah, ou de la crainte pour Allah. Donc il faut adorer Allah, et craindre Allah, et aimer Allah, comme Allah nous ordonne, et avec science, hein, et compréhension. Ensuite, le cheikh il dit, نعم, donc, إلا أنها يجمعها الخوف من الله وهذه صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين وهي أنواع عظيمة من أنواع العبادة وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que toutes ces différentes formes d'adoration, elles sont toutes réunies dans le sens que c'est la crainte d'Allah. Al-Rahba, wal-Khawf, wal-Khashya, tout ça c'est dans le sens de la crainte d'Allah. Et ce sont donc parmi les caractéristiques des prophètes et des hommes pieux et des messagers, donc, et des anges aussi, on l'a mentionné. Et c'est une des plus grandes formes d'adoration. Parfois, les gens ont l'habitude de dire, ou ils traduisent le terme taqwa par crainte. Et taqwa, ça ne veut pas dire la crainte. Taqwa, c'est une expression ou un terme qui veut dire quelque chose qui est beaucoup plus large que la crainte. Taqwa, ça veut dire en réalité de chercher une protection en Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, c'est de chercher une protection en Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment d'Allah, en faisant ce qu'il t'ordonne de faire et en t'abstenant de ce qu'il t'a interdit de faire avec connaissance de la charia d'Allah. Ça veut dire, quand tu dis ittaqillah, ça veut dire cherche une protection contre Allah, contre son châtiment, en faisant ce qu'il t'ordonne et en t'abstenant de ce qu'il t'interdit. C'est ça que ça signifie. Parce que attaqwa, ça vient du terme wiqaya. Et al-wiqaya, ça veut dire de se protéger. Hein? Et de se protéger de quoi? De se protéger du châtiment d'Allah. Et comment on se protège du châtiment d'Allah? En faisant des bonnes œuvres et en s'abstenant des péchés avec connaissance d'Allah. Hein? Donc c'est ça, taqwa. C'est beaucoup plus que la crainte. La crainte, c'est juste une partie de ça. D'accord? Donc ça, c'est important. Et le cheikh, il dit que parmi les différentes sortes d'adoration, donc la crainte, c'est parmi les différentes formes d'adoration qui sont parmi les plus grandes, et que ça fait partie des actions du cœur, ça aussi, et que personne ne sait qui a la crainte d'Allah excepté Allah. Personne ne sait qui a la crainte d'Allah excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est une action du cœur. Mais bien entendu, comme on le sait, et comme c'est clarifié aussi par rapport à la foi en général dans la, façon, dans la compréhension de Ahlus Sunnah wal Jama'a, que la foi elle est reliée à des actions et à des paroles, et que la foi c'est en fait des actions et des paroles. Donc, si quelqu'un il a la crainte d'Allah, eh bien il doit exprimer ça par ses paroles et ses actions. S'il ne fait pas ce qui est en accord avec la crainte d'Allah, eh bien c'est la preuve que sa crainte d'Allah elle est exactement. La base c'est dans le cœur, puis après ça se manifeste par les actions et par les paroles. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah, puis on continuera la semaine prochaine avec la suite. Donc سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.